un garçon, une fille, je sais même pas comment j'ai fait. Enfin si, mais tu me comprends, à 25 ans je me voyais fait. Calibré rue de la paix, c'est devenu très mal fréquenté. Started from band la GAV, j'ai les lacets des faits. En Ferrari tellement flashé, je frôle la crise d'épilepsie. Avec des si on coupe du bois, avec des homards si aussi. Plus besoin de faire couler d'encre, sauf quand la connexion est lente. J'aime bien avoir mon gant, y'a une bagarre, j'suis jamais entre. Elle m'a dit chut, j'fais le ménage, j'suis jamais chiant. Ton Uber est déjà dehors, tu t'es cru dans les années 30. Je ne comprends pas non plus toute cette haine qui m'alimente. 25 ans de carrière, personne m'a eu, mais vas-y tente. Je n'ai qu'un seul gant, tu très mal entouré. Dès le soleil levant, je commence à rouler. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais j'dois y retourner. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. Je n'ai qu'un seul gant, j'suis très mal entouré. Dès le soleil levant, je commence à rouler. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais j'dois y retourner. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. Ouais. J'suis le dernier de la classe aux inclassés. J'connais leur vie, j'connais leur passé. J'les bute comme Odo, j'repars avec la cassette. Hey, la haine dans le miroir, j'suis comme Cassel. Elle vient, elle repart le cul cassé. Moi j'charge juste ma bite, mon zebla fait la causette. C'est comment? C'est nous là, on reprend les commandes. Mon Glock et mes couilles sur la commode. Si Faya te touche, minimum c'est le coma. Dans le 9 de Ying, Anakomi. Je n'ai qu'un seul gang, gros tu connais. Intouchable autre, gros tu connais. J'ai mis peine de cœur au fond d'un verre de cognac. Et c'est bizarre pour eux, j'vais leur faire du pourri. J'suis en haut de la tourelle, mystique pour eux. Gros, j'suis très mal entouré. Moha et Vegas touré, ouais. Minimum 1000 euros la journée. Dans le camp d'en face, y'a des mecs j'nounés. Allez niquer vos mères et bonne journée. Ocho. Je n'ai qu'un seul gang, tu très mal entouré. Dès le soleil levant, je commence à rouler. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais j'dois y retourner. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. Je n'ai qu'un seul gang, tu très mal entouré. Dès le soleil levant, je commence à rouler. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais je dois y retourner. Sur ce, nique ta mère, bonne journée.